L'échappatoire, AKSANG, l'échappatoire, l'échappatoire, AKSANG, AKSANG, la paix est absente depuis plus de 100 ans. Au max c'est accent, je me fais un sang d'encre. La vie en rose n'existe plus, car notre ciel est gris écrit par les cris du peuple triste, visible dans mes écrits. Quoi de neuf, rien, juste des vécus vivants qu'à tempérer. L'amour je le vis vivant, mais comme tout au bout d'être tempéré. Quand je repasse au passé, le futur m'inspire désespoir. Trop de soucis à se faire, faire résumé en deux fois 16 barres. Je transforme ma tristesse en plate mélancolie. En fumette les gars, tout ça se guérit pas avec la vente au lit. Le brouillard rend aveugle, pour avancer on a qu'une chaîne de vie. Et tous les jours je vois des maillons s'ajouter à la chaîne, tu vis quand la prochaine s'infile. Le bonheur ne tient plus promesse. On fume la mort sans fil pendant qu'on rêve d'amasser les grosses siasses. Guette un peu, le mal surgit des plaques d'égout. Ça déguste ces drogues dures et l'effet du rack me dégoûte. Ouais, avec mes potes, on qui prévoit l'avenir dans l'horizon. C'est grave, les dirigeants ont malheureusement perdu la raison. La vie de mes dégoûts et le chétal te tient par les bras. Et pour ma plainte, je préfère crier au que de le parler. Dis-lui qu'il a raison, le monde sait plus vraiment ce qu'il croyait. Dis-lui que c'est grave, la mienne à force, on en deviendra foyer. Peur de mal faire mes bons. Je reste le même, garde mes distances avec le monde, je sais ce qui compte, la haine comme les degrés me mentent. Et qu'est-ce qu'ils valent, qu'on ferme nos gueules, moi je suis pas prêt de me taire. Si paradoxal, respecte le sang et rêve d'être millionnaire. Tu connais l'affaire, wesh donc c'est ce qui te reste à faire. Fais tourner l'affaire, frère, peut-être qu'un jour ça vaudra cher. Cher, camé, respire la haine, vois le mal s'installer. Désolé patron, tout est foiré, tes anges ont tous taillé. Faut que tu fasses le max avec la force et le temps qui t'appartiennent. Il dirige le globe avec des valises et des costards clean. Aggravé, y'a de l'intention mais toujours pas de changement. Impossible d'écrire et rapper autrement que franchement. Je gratte, faut qu'on marche ensemble, pour qu'on se fasse entendre. Point une vue d'ensemble, on m'a les deux pieds et les deux mains dans le sang. L'échappatoire, c'est une histoire avec ma feuille blanche. Quand je regarde comment ça se passe, tu peux voir que mon œil flanche. L'échappatoire, c'est pas de la zig de Tchapakan cousin. Poussé par l'araignée, je râle dur de faire plus. L'échappatoire, pas de ces raturés, expression oppressée à part. J'écris mes crimes contre l'oppression. L'échappatoire, et bien qu'on sent du fond que porte ma voix. Mon pote va et qu'il te soit fait selon ta foi. Plus le temps passe, plus je vois des mères vivre au bord des larmes. Depuis le berceau mon frère, que la haine qu'assume me porte des larmes. Oppressé par l'angoisse, la feuille blanche et mon échappatoire. J'échappe à quoi, j'esquive la mort, j'finis à l'abattoir. Ça part en couille, les putes se montrent et tous les homogènes. Apparemment pour eux, le mélange racial n'est pas homogène. C'est dur à dire, et ouais mon pote, les sourires disparaissent. De plus à ce qui des bonnes pensées, y'en a pas disparaître. Dans l'assemblée, tous contre le rap et les pétasses s'unissent. Alors qu'en parallèle, pays tue à l'air États-Unis. Trop de choses à dire, dehors ça tue, et ouais, ces choses ça tire. Depuis que dans chaque pays, la guerre et la paix s'attire. Et personne se sent protégé quand la PAC est là. Nique sa mère, je pèse ton système dans mes acapellas. Y'a du père sur la planche, et faut pas trop tarder. Mon équipe bouge pas, car tous sous effet du tarpé. Yeah. Je me fais du souci, man, comme toi, je veux de la maximize. C'est pas ces putains de 16 lignes qui vont me soulager ou que j'ai mal. Qu'est-ce qui se passe? C'est dramatique à respecter. Cassé. Viens voir là où les titres niquent l'état et les hauts placés. Je lève mon verre et crée une rime à la santé de l'auditariat. À la santé des petits gueulants dans les commissariats. Rêvant d'or, creusant les cartes dans la zic ou dans le sport. C'est pour les princesses et les croûtes gosses en plein essor. C'est KINT, cracheur de son sans flingue. Ouais, fais qu'en berger, je te laisse croire qu'on ira pas bien loin. Allonge cause, putain, c'est ça les miens vivent basiques. Est-ce qu'ils m'évisent ici? Trop de putes en veulent la masique. C'est showtime. Et si tu te manques, tu manges la totale. C'est comme ça, on se plaint peu quand les escrocs nous créent un scandale. À ceux qui écrivent leur haine sans forcer. Bien prononcé, ce rap est mauvais et bien corsé. L'échappatoire, c'est une histoire avec ma feuille blanche. Quand je regarde comment ça se passe, tu peux voir que mon œil flanche. L'échappatoire, c'est pas de la zig de Tchapakan cousin. Poussé par l'araignée, je râle dur de faire plus sel. L'échappatoire, pas de ces raturés, expression oppressée à part. J'écris mes crimes contre l'oppression. L'échappatoire, et bien qu'on sent du fond que porte ma voix. Mon pote va et qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. KSANG, Nersal, qu'elle te floche, l'échappatoire, l'échappatoire, c'est une histoire avec ma feuille blanche. Quand je regarde comment ça se passe, tu peux voir que mon œil flanche. L'échappatoire, c'est pas de la zig de Tchapakan cousin. Poussé par l'araignée, je râle dur de faire plus sel. L'échappatoire, pas de ces raturés, expression oppressée à part. J'écris mes crimes contre l'oppression. L'échappatoire, et bien qu'on sent du fond que porte ma voix. Mon pote va et qu'il te soit fait selon ta foi.